frérot. Frérot. Petit frère veut faire de l'oseille, des milliers d'euros de côté. Brasser des cendres dans le sud, finir à Phuket ou sur l'île de beauté. Mais petit con ne sait pas que la rue et l'argent ne font pas qu'un. Alors il va prendre une plaquette, la revendre en détail au parking. Pour se faire respecter, petit frère va s'équiper. Une cala sous le lit, il va s'occuper. Petit frère connaît bien du monde, il fait pas confiance à ses potos, potos, potos. Personne ne lui prendra son pain, il a arme de guerre et une moto. Le charbon commence à péter, mais petit frère ne s'arrête pas là. C'est là que les problèmes arrivent, une équipe est venue pour manger dans son plat. Mais petit frère, il pense éclairer, le téflon est sous le kawaii. Il sait bien conduire le kawaii, il va venir t'allumer. Il y aura des hommes tant qu'il y aura des sous. Mais la guerre n'est pas finie tant qu'il y aura des hommes. Frère, on a des exemples, mais toi tu t'en fous. Il y aura des morts, il y aura des morts. Il y aura des hommes tant qu'il y aura des sous. Mais la guerre n'est pas finie tant qu'il y aura des hommes. Frère, on a eu des exemples, mais toi tu t'en fous. Il y aura des morts tant qu'il y aura des sous. Petit frère repart sans caler, des balles dans la tête du gueumé. Il s'en fout de prendre des années, petit frère, il est grand, ce n'est plus un gamin. Et parce que petit frère, il chante, commission rogatoire sur ses côtes. Des bruits sur son téléphone, des micros posés dans sa caisse par l'un de ses potes. Il ne sera pas long feu, mais petit frère s'en bat les couilles. Il ne sait que le schmitt le veille, il sort jamais de son trou. C'est chez la petite qui se cache un morceau à tremper de la coque. C'est chez elle que tout va se passer, les schmitts sont postés dans le bloc. Petit frère est calé tranquille, ces dimanches ils ne viendront pas. Mais la crime est vraiment sur lui, ils ont cassé la porte et l'ont pris dans ses draps. Au jugement il va tout nier, mais l'avocat est d'office. Dedans les ennemis t'attendent, maman ne reverra jamais son fils. Il y aura des hommes tant qu'il y aura des sous. Mais la guerre n'est pas finie tant qu'il y aura des hommes. Frère, on a des exemples, mais toi tu t'en fous. Il y aura des morts, il y aura des morts. Il y aura des hommes tant qu'il y aura des sous. Mais la guerre n'est pas finie tant qu'il y aura des hommes. Frère, on a eu des exemples, mais toi tu t'en fous. Il y aura des morts tant qu'il y aura des sous. Frérot, frérot, alors frérot, frérot, t'as cru que t'allais t'en sortir comme ça, mon frérot? Frérot, frérot, t'as voulu leur montrer que t'es pas un dégât. Qui t'a niqué ta vie, se mettre en guerre avec eux. Sur ce coup-là, t'es mal tombé, tombé dans le pétrin. Mais les schmitts s'en battent les couilles tant qu'on se nique entre eux. Il y aura des hommes tant qu'il y aura des sous.